Section 6 de Contes, anecdotes et récits canadiens par Aristide Filiatro. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les punaises du Canada. Il est parfaitement reconnu que le Canada, dans l'idée de la plupart des Français qui sont venus s'établir ici pour y gagner leur vie, est un pays à peu près inhabitable, que ceux qui y résident sont tous des ignorants, et qu'il n'y a rien excepté de la neige et de la glace. En 1969, je quittais la capitale de Terre-Neuve-Saint-Jean à bord du Peruvian de la ligne Allan pour revenir à Montréal. Nous longions la côte de l'île, un paquet de roches de 300 milles de longueur jusqu'à la baie des îles pour s'engager dans le détroit conduisant jusqu'au golfe Saint-Laurent. Le commissaire du bord, un Écossais pas pour rire, vint me trouver et me dit, dans son anglais aussi sec qu'énergique, « Sir, I see by your name on the list of passengers that you are a Frenchman. »« I beg your pardon, sir, I am a thoroughbred Canadian, a royal British subject of Her Gracious Majesty, but I speak French, as bad as it may be. »« That's all right, sir, it is all I want. Will you kindly interpret a French gentleman who does not speak a word of English ?» Certainly, sir, with pleasure. Il me présenta alors à un touriste qui venait chez nous dans le but d'étudier la géographie du pays. À la Brunante, nous étions dans le détroit, nous dirigeant vers le golfe. Toute la soirée, le Français avait essayé de m'emplir avec les beautés et la grandeur de son pays, où les fleuves et les rivières, la Garonne, le Rhin, la Loire, la Seine, étaient reconnus comme les plus grands cours d'eau de l'univers. Ça m'était bien égal à moi. Cependant, mon orgueil national était joliment froissé, tout de même. La nuit avait remplacé le crépuscule, et nous voyagions sur la surface du golfe sans savoir le moins du monde où nous nous trouvions. À 5 heures le lendemain matin, le golfe était traversé et nous étions rendus à peu près à la hauteur de la pointe à Miscou, à l'entrée de la baie des Chaleurs, où la largeur du Saint-Laurent est de 23 lieues. « Monsieur, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quelle est cette mer intérieure que nous traversons en ce moment ?»« Ça, une mer. Mais vous n'y pensez pas, monsieur, c'est une simple rivière. » « Oh, dites-donc, voulez-vous vous payer ma tête ?»« Mais pas le moins du monde, mon cher monsieur, je constate, voilà tout. Vous m'avez dit hier soir que votre séjour au Canada serait de 3 ou peut-être 6 mois. Eh bien, prenez mon conseil, allez dans le nord de la province, où tout le monde parle ce que vous appelez un patois qui se rapproche du français, et quand vous aurez vu la Renouche, la rivière du Nord, la Rouge, la rivière du Chêne, la rivière aux Chiens, la rivière Cachée et combien d'autres. Vous m'en direz des nouvelles. À Lévis, je sautai à bord du train du Grand Tronc et je n'ai jamais revu mon homme. Plus tard, en 1876, je travaillais à la Gazette où je levais la lettre et j'avais ma pension dans une maison de la rue Saint-Dominique avec un ami du nom de Oscar Lavigne. Un polisseur de piano, nous avions avec nous un Toulousain. Vous comprenez bien, n'est-ce pas, qui nous contait qu'en France, les bœufs étaient plus gras, les chevaux plus gros, les percherons, vous savez, les édifices plus beaux, les cheminées, les usines plus hauts, et les femmes plus grosses. Trrr. Arrêtez un peu, dit mon ami Oscar. « Je ne doute pas de votre parole, mais vous admettrez bien qu'elles ne le sont pas aussi souvent que les Canadiennes. » La conversation cessa de suite. Lavigne, cependant, n'était pas satisfait, et la semaine suivante, nous nous amenâmes chez un marchand de la rue Craig, qui vendait des homards vivants. C'était à cette époque des homards de 16 à 20 pouces de longueur, non pas des avortons comme ceux d'aujourd'hui. Il en acheta un de taille respectable, et en revenant à la pension, nous eûmes la précaution de nous munir d'un flacon de gin de 5 demi-heures. Comme je demandais à Oscar ce qu'il comptait faire à ce crustacé qui aurait pu être utile s'il eût été cuit, il me répondit. Quitte faire, j'ai mon idée. » Le Toulousain nous invita à entrer dans sa chambre et le djinn disparut bientôt. On avait réussi à faire sortir notre Toulousain pendant quelques minutes et mon bon ami Lavigne avait mis le homard sous les couvertures de son lit. Vers 11 heures, on couchait notre homme à peu près plein. 10 minutes plus tard, le homard, qui s'était orienté à reculons, pinçait le Toulousain à l'endroit le plus sensible de sa personne. Il sauta hors du lit. « Non, d'une pipe, qu'est-ce que c'est que ça ?»« Ça, dit Lavigne, c'est les punaises du Canada. Tapez ça en France si vous êtes capable. » Les mots qui restent. En cour supérieure, un avocat de Montréal, bien connu pour ses expressions pittoresques, s'adresse au président du tribunal. C'était une cause au sujet de la pension d'un cheval de trait qui mangeait au râtelier depuis plusieurs mois à ne rien faire. « Croyez-vous en bonne foi, à votre honneur, que nous allons garder ce cheval, les deux bras croisés, dans notre écurie beaucoup plus longtemps? Ce serait absurde. » Fin de la section 6, lue par Sandra près de Montréal, 2026.